Your mind. You are being twitched. De glace gêné sur la neige, c'est connu en bas des marches du palais, tout en bas de l'escalier de glace, pied dans serre et sur la neige. Tu chantais cet air plein de malice et de grâce, saute maintenant et chausse à tes pieds que pelote de nuée, car ici désormais est la demeure d'un ciel. Demeure d'un ciel monté, toutes les marches du palais, tout en haut de l'escalier de glace, un ingénieur nous y attendait et nous a mariés parmi les oiseaux sautent maintenant des souliers. Et chasse à ton pied quelques pelotes de nuée, car ici désormais la demeure d'un ciel. Thank you. s'adore. We are live. Alive. Alive.